Musique horrible. César, bonsoir. Chers auditeurs, avant que vous ne pétiez la gueule de votre lecteur ou que vous n'appeliez la police, laissez-moi vous dire au moins que vous venez d'entendre du foutre. Vous venez d'entendre les sons de la glorieuse et indestructible Atari 2600, mère de toutes les consoles grand public et instigatrice du grand crash économique du jeu vidéo de 83. Une époque où les pixels étaient plus gros que mon engin et où l'imagination du cerveau des joueurs est, de fait, la principale carte graphique. Mais la musique, c'est notre histoire, avec des puces sonores qui jouent avec leurs limitations, parfois une seule fréquence. Et donc, utilisez votre imagination. Je vous laisse deviner ce que vous êtes en train d'entendre maintenant. Bonne réponse, vous avez trouvé. Il s'agit des jeux pornographiques de la compagnie Mystic. Ceci était vendu sans licence comme étant de l'érotisme suédois, mais programmé aux États-Unis et manufacturé à Hong Kong. Et le son que vous venez d'entendre à l'instant, c'est la musique de Gigolo. Un jeu où vous incarnez une femme qui doit mémoriser dans quelle maison sont partis les hommes afin de faire irruption chez eux et les baiser sauvagement. Oui, non, je suis très sérieux. Le son de nous vendre du rêve et toutes les musiques qui ont ouvert l'épisode, c'était peut-être ou peut-être pas le son de deux blondes devant attraper le sperme de leur conjoint avant qu'il ne tombe par terre dans Beat 'em and Eat 'em. Le son d'un homme cherchant un vagin dans un labyrinthe en évitant une paire de dents géantes dans X-Men. Le son d'un général de l'armée américaine du temps des cow-boys qui évite des flèches tout en essayant de violer une indienne accrochée à un poteau. Dans Custer's Revenge. Mais vous voulez savoir la bonne nouvelle? C'est que, pour on ne sait quelle raison que même moi, César, je ne connaîtrai jamais, pour presque chacun de ces jeux, la compagnie Mystic a fait une version inverse, au sein de laquelle on peut jouer le jeu, mais avec les sexes opposés. Donc ceux qui n'ont pas aimé... Le message franchement atroce de Carson's Revenge, pourront se venger, incarner l'indienne et violer le général américain accroché à un poteau dans The General's Retreat. Ah, un point pour la vengeance ethnique. Quoi qu'il en soit, moi, et moi seul, César, vous souhaite la bienvenue sur ce hors-série de musique horrible que nous allons consacrer à une chose, et une chose seule. Le jeu vidéo. Un art pour les enfants et les adultes qui refusent de grandir! Pour ce faire, l'épisode d'aujourd'hui sera l'épisode le plus normal de tous les épisodes normaux de la normativité étincelante de musique horrible. Nous parlerons des consoles les plus récentes comme de la Atari 2600 et de ces étranges ordinateurs MS-DOS. Pourquoi parler de jeux vidéo ? Antoine, putain, c'est toi ? Bah ouais. Qu'est-ce que tu fous là ? Je m'incruste. T'as dit le mot magique. Donc j'apparais, ça fait 5 minutes que je suis dehors et que je me l'épelle. Bon, je te paye un coup. Ouais. T'es calé en jeu vidéo ? C'est quoi un jeu vidéo ? Je vais t'expliquer. Tu connais Polybius ? Non. Dis-moi en plus. Putain, t'as pris de la ambrée. Elle mousse ta connerie. Installe-toi. Installe-toi. Eh oui, Antoine, tu aimes bien mon monde, mais à chaque fois tu te les pèles ici. Il y a un beau jardin, je vois pas souvent ça. Ne dis pas des choses positives sur l'endroit où j'habite, où des connards vont venir. Pardon. En plus de toi. Il fait noir ici. Je te propose qu'on rentre. Tu peux te rapprocher de la porte ? Bon, excusez César, un petit peu plus, mais on va pouvoir continuer l'émission. Donc moi, Antoine, il y a quelque chose. J'ai besoin de connaître le jeu vidéo contemporain pour faire cette émission. Donc est-ce que tu peux me parler de l'exemple de ce qui a commencé toute cette question de jeux vidéo d'aujourd'hui ? Je vais commencer par ce qui aurait pu être la fin d'un certain genre de jeu vidéo. Est-ce que tu connais Battlefield 3 ? On commence déjà par le troisième, ça va trop vite Antoine. Commence pas. Battlefield 3, c'est ce qu'on peut considérer comme un exemple type de ce qu'a pu être le jeu vidéo. À un moment de son histoire qui est au final assez jeune, le jeu il est principalement centré sur le jeu en ligne, depuis le début de la série en fait, il y a un travail fou qui est fait sur le feeling des armes, le dessin sonore, le game design et notamment sur les cartes. Mais il y a quand même un solo et c'est ça qui m'intéresse. Donc tu t'intéresses au truc que les développeurs voulaient même pas faire en fait. Si, c'était un peu la vitrine du jeu. Il fallait montrer à quel point ça bougeait, à quel point c'était beau, à quel point le moteur était performant. Ce solo, il s'inscrit dans une veine de jeu où la mise en scène est prime sur le gameplay, qu'on dit pourtant être l'élément le plus important dans un jeu. Mais la primeur de la mise en scène, elle arrive à un point où elle entrave la liberté du joueur ou de la joueuse. On guide son regard pour mettre en scène le personnage qui est incarné et on le renvoie à un statut de spectateur. On pourrait dire que le jeu vidéo, il se cinématise, mais en fait, c'est pas vraiment ça, parce que la mise en scène par la vidéo, c'est un moyen comme un autre d'expression qui est pas vraiment ou plus vraiment exclusif au cinéma. L'inspiration du cinéma pour le jeu vidéo, c'est les cinématiques, la narration, le découpage, mais ça trouve ça, ses racines chez Aristote, avec la tragédie ou l'épopée. J'aime bien les épopées. Tu es un héros presque grec. Oh, je suis le héros de tout, mon cher Antoine. Et du coup, on peut parler moins d'une influence du ciné qu'une sorte de boursouflure à une échelle qui est plus large, qui est basée, on pourrait dire, sur l'organisation de notre propre société, elle-même basée sur la croissance, le mieux, le plus. Donc si j'ai bien compris, le jeu vidéo a pris exemple sur le cinéma et on a incorporé les codes pour entrer dans une manière de penser où plus c'est mieux. Genre, plus on incorpore d'éléments au sein du jeu, le plus il va avoir une sorte d'ampleur et donc de valeur, si j'ai bien compris. Bah justement, pas seulement qu'au cinéma. C'est pas que le cinéma qui influence ça, c'est tout ce qui l'entoure dans la société. C'est dans la lignée de l'obsession pour le ravage, qui est notamment développé au cinéma, que Battlefield 3 va construire sa communication autour notamment de deux arguments. Les graphismes qui tendent vers le réalisme et le moteur de jeu, le Frostbite 2, qui permet la déconstruction presque totale de l'environnement. Donc on peut tout détruire, hein ? Avec le Frostbite, oui. Ok. En quoi est-ce que toutes ces pratiques dont tu m'as parlé, ça va infuser directement la musique qu'il y a dans le jeu ? En fait, on a atteint une sorte de point critique, et ce que le morceau, qui est le thème principal du jeu, il montre parfaitement en utilisant la saturation, qui est en fait un procédé qui rompt tout lien avec son objet, qui est la musique. Le thème de Battlefield, il est utilisé dès les débuts de la série, avec le premier épisode qui est Battlefield 1942. C'est une musique de cette époque-là qui est utilisée, du premier Battlefield ? Le thème est le même, mais il va être à chaque fois renouvelé. Le thème musical de Battlefield 3, il est composé par Johan Skouge et Yuka Rintamaki. Il a atteint sa limite. Les notes claires de la trompette qui font la mélodie principale, elles sont reléguées à l'arrière-plan. Là, on est à l'air Zimmer, et devant l'accompagnement joué avant par les cordes et remplacé maintenant par un synthé, il y a les basses et percussions qui occupent tout l'espace. Les écoles Lager qui approchent, qui éclate après un énorme crescendo, qui en plus n'est pas du tout finement marqué par cette espèce de descente de ton soudaine, qui ressemble un peu à la chute et l'explosion d'un obus. Ça mène au calme avant la tempête, avant même l'apocalypse, où il n'y a plus rien qui se fait entendre, à part cette limite qui est dépassée. Le déferlement, c'est à la fois celui de la guerre et de sa représentation par le jeu, qui peut plus aller au-delà, ça attaque directement la matière du son. Après, on aurait pu s'attendre à un nouveau départ, vu que tout a été balayé, mais comme tout recommence, il y a eu un nouvel épisode, les mêmes compositeurs n'ont pas pu relever le défi de proposer... ils ont abandonné. Un thème qui était aussi marquant par sa radicalité, ils ont cédé à la dubstep, qui était à la mode. Et... En quelque sorte, ils avaient un peu tout dit avec le premier thème. Tout arrive à une fin. Et c'est sur ces mots qu'on va s'écouter un petit peu de musique maintenant. Ce qui va suivre, c'est une bonne grosse dose de piano dans votre gueule. À bientôt sur Musique Horrible. D'écouter deux univers qui sont entrechoqués. D'abord l'unique musique de Depression Quest, qui se fait ensuite péter la gueule par le bordel musical qu'est Lizard the Painful RPG. Deux univers radicalement différents. Depression Quest, c'est l'idée de vivre l'émotion qu'est la dépression, à travers un jeu textuel où notre état mental nous retire tous les bons choix. Et Lizard the Painful RPG, c'est un jeu où on incarne un vieux drogué qui fait semblant d'être papa dans un monde post-apocalyptique où toutes les femmes ont disparu, ne laissant que des hommes incapables de se reproduire, et ça donnant aux perversités les plus marrantes, mais destructrices. Deux mondes qui vont se rencontrer dans le segment qui suit. Antoine, je ne suis pas sûr de bien connaître ces jeux vidéo avec des méga soldats en armure super fort, ou les fantasmes de pouvoir qui dépassent le simple contrôle de la boîte à mouchoirs. Mais par contre moi, César, héros de tous les héros comme tu l'as dit toi-même si finement, je m'y connais en scandale. Il y a un truc dont nous devons parler si on aborde l'horrible dans le jeu vidéo. Et moi, je voulais qu'on parle du Gamergate. Un petit message avant de commencer. Pour ceux qui écoutent à la radio, chez eux ou en podcast. Le segment qui va suivre est sérieux. On va parler de harcèlement de masse. Donc pour ceux qui veulent pas en entendre parler, je vous conseille de sauter après la pause de la mi-épisode. Donc t'es prêt Antoine ? Quand tu veux, César. Ah bah dis donc, t'as l'air animé toi. Je te parle d'un des événements qui a failli détruire la communauté des joueurs de jeux vidéo en deux, et toi t'as la patate dis donc. Quelle communauté ? Comment ça, quelle communauté ? On parle de la communauté des gamers pour le coup. Qui ça ? Les gamers, Antoine, ce sont ceux qui jouent aux jeux vidéo. C'est une sous-culture et en 2014, elle est en phase de devenir mainstream. Toutefois, juste avant que cela n'arrive, il va avoir lieu une guerre. Une guerre menée sur les réseaux sociaux, Twitter et sur tout Internet, par le mouvement du hashtag Gamergate. Étrangement, les victimes du mouvement étaient toutes des femmes. Des développeuses, des programmeuses, des journalistes, toutes des personnes qui ont été harcelées, stalkées, auxquelles on a révélé les informations privées, et qui ont plus ou moins dû quitter leur métier, leur maison, et des fois toute l'industrie du jeu vidéo, pour peur pour leur vie et celle de leur famille. D'ailleurs, un second avertissement avant qu'on commence, et je vous promets qu'après on arrête. Le Gamergate, c'est une affaire extrêmement longue, complexe, rempli de micro-scandales, de renversements, de mauvaise foi, et également des affaires extrêmement drôles, mais sur lesquelles malheureusement nous n'aurons pas le temps de nous arrêter. Donc si vous trouvez qu'à certains moments je simplifie un peu les choses, certains points de vue, alors vous cherchez la vérité complète dans une simple fiction. Et vous me connaissez bien mal dans ce cas, car je mens souvent. Je vous invite donc très largement à vous renseigner par vous-même sur le Gamergate. vous allez apprendre beaucoup de choses sur les salles gamers. Et pourquoi on a appelé cette année-là la mort du game. Bon allez, retour sur l'histoire. Par où commencer, car en fait, quand on en parle aujourd'hui, ça a l'air complètement débile comme événement, le Gamergate. Imaginez Seb de Joueur du Grenier qui se fait retweeter par 10 000 trolls en train de traiter un journaliste asiatique de néo-nazi. J'ai un peu de mal. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Mais sans Seb, quelqu'un d'autre. Des figures à peu près aussi importantes dans la culture du jeu vidéo américaine. On peut partir d'un événement qui s'est déroulé le 16 août 2014. Tu te rappelles de Zoe Quinn, celle qui a fait Depression Quest, qu'on écoutait au début ? Eh bien, son jeu vient de sortir et il est adulé par la critique. Beaucoup de joueurs trouvent que ça n'a aucun sens, car c'est un jeu expérimental textuel, écrit par une femme féministe. Elle a forcément fait un truc pour arriver à cette place-là. Femme et féministe. En 2014, c'est ce qui faisait chier leur froc à tous les gamers. Mais blague à part, le 16 août sort un article écrit par Aaron Guioni, qui était l'ex de Zoe Quinn. Et, le seum palpable sur ses lèvres, il écrivait que Zoe Quinn l'avait trompé avec à peu près 4 ou 5 mecs de l'industrie du jeu vidéo, qu'elle les avait baisés pour avoir des bonnes critiques sur son jeu. Et la preuve même, sur Kotaku était sortie une critique étincelante de Depression Quest, et elle était comme par hasard écrite par un gars qu'elle avait baisé. Salope. Mais, l'un des nombreux problèmes avec cette histoire, c'est que la critique en question sur Kotaku n'a jamais été écrite. Et de manière générale, de nombreuses choses que Aaron Guioni a écrites dans son article incendiaire, eh bien ces choses pouvaient majoritairement être prouvées comme étant fausses, factuellement. Plus tard, lui-même reviendra dessus et rétractera son article. Mais c'était déjà trop tard. Dès le lendemain, cette rumeur devient vérité et un certain trou du cul du web s'en empare. Tu sais de quoi je parle? J'ai une petite idée. Ah, tu l'aimes, mais tu veux pas l'avouer. Un petit peu. 4chan. 4chan, qui avait déjà l'habitude de faire des raids contre les féministes avec l'opération Lollipop, dans lequel ils se faisaient passer pour des femmes noires féministes radicales pour faire chier tout le mouvement de l'intérieur. En 2014, quand ils tombent sur scandale, ils se disent qu'ils touchent le jackpot. Et donc commencent à lancer des harcèlements de masse envers Zoe Quinn, mais aussi envers d'autres femmes de l'industrie du jeu vidéo, qu'ils traitaient elles aussi de salopes, qui avaient baisé leur voix jusqu'au pouvoir. Ce qui y a suivi était vraiment étrange dans cette histoire. Quand un mouvement de harcèlement de masse se met en route, normalement les réseaux sociaux, les forums commencent à annuler les gens, les utilisateurs, parce que c'est juste du harcèlement, c'est de la violence. Mais le truc étrange qu'a fait Gamergate, c'est qu'il a repris un peu le contexte de l'époque, justement autour de la presse journalistique. Des affaires comme le Doritos Gate avaient relevé une proximité assez tendancieuse entre ceux qui devaient critiquer les jeux et ceux qui les créaient. Et 4chan a pris ce contexte-là et s'est dit « on va pouvoir inspirer quelques-uns qui hésitent encore à faire partie du mouvement Gamergate », qui à l'époque était donc devenu un hashtag assez énorme, remis en question. Et donc à partir du contexte, ils ont créé une narration, qui est que non, le Gamergate, c'est pas là pour harceler les femmes, ça n'a aucun rapport. Le Gamergate, c'est un mouvement pour défendre l'éthique journalistique dans le jeu vidéo. Et ça a marché. D'un côté, des personnalités relativement importantes au sein de la communauté des jeux vidéo ont rejoint le mouvement Gamergate. Des hommes tels que Jim Sterling et Turtle Biscuit se battaient depuis maintenant des années pour que soit instaurée une véritable éthique journalistique au sein de la presse qui travaillait sur le jeu vidéo. Quitte à répandre quelques fake news au passage, ils se sont dit qu'ils avaient enfin une plateforme suffisamment énorme sur laquelle défendre leurs idéaux. Puis, de l'autre côté, il y avait les gamers ordinaires. Ceux-ci avaient entendu depuis quelque temps beaucoup d'histoires telles que le Doritos Gate, justement, sur la corruption de la presse journalistique. Et en même temps, il y avait certaines femmes qui détestaient. On pensera par exemple à Anita Sarkeesian, de la chaîne Feminist Frequency, qui disséquait des jeux vidéo sous un angle féministe. Des femmes comme celle-ci étaient une des cibles principales du mouvement. Et donc, ces gamers ont rejoint le mouvement. Car Gamergate leur donnait des armes. des mèmes, des rumeurs, des insultes, tout ce qui pouvait confirmer qu'il détestait ce genre de personnalité mainstream qui s'en prenait à leur hobby. Qu'on soit clair, ceux qui ont créé le mouvement, c'est d'abord la communauté de trolls qui orchestrait des attaques de masse. L'éthique était secondaire au mouvement. Et le deuxième problème, c'est que généralement les débats éthiques que revendiquait le Gamergate étaient assez peu abordés par le mouvement lui-même. Il n'allait jamais, par exemple, discuter avec les journalistes ou n'allait jamais s'en prendre aux gros éditeurs. Toujours, ils restaient dans leur propre forum. Et le plus étrange, c'est que des journalistes qui justement dénonçaient l'éthique journalistique et les problèmes qu'elle pouvait avoir, comme Leigh Alexander, était une des cibles préférées de Gamergate parce qu'elle était une des premières à s'attaquer à Gamergate. Et c'est comme ça qu'un mouvement basé entièrement sur des faits divers factices, des fake news et des théories de complot qui pouvaient être démenties assez facilement, a pu continuer jusqu'à fin 2014, en révélant quelque chose de très laid chez ceux qui jouaient aux jeux vidéo. Pourtant, le truc du Gamergate, c'est qu'il va recommencer. C'est qu'une question de temps. C'est comme ça que fonctionne la culture. Les trolls qui ont coordonné le langage et les actions du mouvement Gamergate sont toujours là et se sont reconstitués dans des nouveaux projets liés à l'alt-right et autres contre-cultures artificielles. De l'autre côté, la grande majorité des gaters, c'est-à-dire ceux qui ont rejoint et participé au mouvement sous le prétexte de l'éthique, vous diront tous qu'ils ne savaient pas ou encore que les mauvais éléments ont teinté la conversation initiale. Comme on l'a vu, c'est faux, car les mauvais éléments étaient le mouvement, et la conversation éthique, un prétexte, malheureusement. C'est dommage, car il y avait une vraie conversation qui aurait pu exister à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Le progrès social et les femmes qui se battent pour plus d'inclusion dans les jeux vidéo. Les Gators, ils se battaient au mieux pour refuser l'intégration de leur culture dans la sphère mainstream, et au pire pour faire souffrir des personnes dont la seule existence remettait en question leurs valeurs. Antoine, question sincère. Est-ce que tu penses que c'est grave, Gamergate? Ça l'est et ça ne l'est pas. Dans un sens, ça l'est parce que les répercussions qu'ils ont eues sur, au niveau personnel sont désastreuses. Il y a des vies qui ont été totalement détruites, bouleversées. Il y en a qui ont pu s'en sortir plus fortes ou plus forts, mais un tel niveau de violence, c'est pas acceptable. Donc, en un sens, ça l'est. D'un deuxième côté, on peut voir ça comme quelque chose qui a permis un petit peu aux consciences de personnes qui ne sentaient pas forcément concernées de s'éveiller. Et un regroupement défensif. Donc c'est dommage que ça ait eu lieu dans ces conditions, mais ça aurait fini par arriver. Et maintenant, même s'il y a encore des freins, même si ça ne coule pas de source, les moyens sont mis en marche pour que y ait par exemple plus de diversité chez les développeurs de jeux vidéo, qu'il y ait plus de visibilité chez les développeuses. Et tu penses que c'est grâce à cette crise-là? J'ai l'impression que ça a mis un coup de pied dans la fourmilière, donc ça a accéléré. Mais c'est quelque chose qui serait arrivé de toute façon. Thank you. parlait de progrès à travers des choses qui se répètent tout le temps, et là vient toujours la thématique de la boucle, qui est extrêmement chère aux jeux vidéo et à la musique en même temps. L'idée qu'une idée se répète, c'est extrêmement à la mode dans le XXe siècle, et là, ce que vous écoutez pour illustrer ça, c'est juste les boucles absolument terrifiantes de Hell Knight, un jeu vidéo japonais sorti en 98, où les boucles sont tellement courtes et tellement marquées que l'idée qu'elle doit sculpter un univers, un personnage ou encore un lieu spécifique est complètement immuable et bloquée. Un lieu comme ce que vous écoutez de Southwest Area ne va jamais changer et jamais on pourra sortir de cette putain de boucle là. Mais dis-moi Antoine, qu'est-ce que ça crée la répétition? Et est-ce qu'il faut qu'on l'évite en fait? Parce que là, cette putain de musique est mon cinglé. Dans le principe de Hell Knight, la boucle, elle illustre un asservissement du joueur, du personnage, à la peur. Parce qu'il peut pas quitter cet endroit, il peut pas quitter ce son-là. Il peut pas le quitter, ça crée un ressassement, une idée de surplace. Sauf que le joueur fait du surplace, mais les monstres qui sont autour, non. Il le traque. Et à propos de cette question, est-ce qu'on peut éviter cette boucle? Je ne sais pas, César, si tu as entendu parler d'un jeu, une rumeur presque, qui circule, d'un jeu qui s'appelle Polybius, qui était une borne d'arcade, dit-on, et qui aurait été développé par la CIA. La rumeur veut que lorsqu'on jouait à ce jeu, on était ensorcelé. L'écran faisait passer des informations particulières qui gangrenaient le cerveau et qui permettaient au FBI ou à la CIA de mener des expérimentations sur les joueurs. Mais dis-moi César, qu'est-ce que ça crée la répétition? Est-ce que tu penses qu'on doit l'éviter? Eh bien, mon cher Antoine, c'est très simple. Il existe des phénomènes absolument paranormaux qui peuvent détruire la répétition. Est-ce que t'as entendu parler de Polybius? Ça me dit quelque chose. Ok. Donc en fait, c'était une borne d'arcade qui un jour est apparue là dans une ville. Et tous ceux qui y jouaient devenaient absolument cinglés. Mais on raconte qu'au bout de leur aventure, ils avaient réussi à tuer tout le temps qu'il leur restait. Ça leur coûtait relativement peu cher en termes de pièces. Ce qui est à noter. Et moi, je pense que une chose comme ça, comme Polybius, ça permet de sortir de la boucle, en fait. Tellement c'est une chose lointaine et absurde, un mystère. Mais dis-moi, Antoine, qu'est-ce que ça crée, la répétition? Après tout ce métaphysique, une petite pause de musique heureuse pour marquer le coup et le contraste, c'est la vie. On se retrouve après pour le second chapitre. Thank you. Ouais. Je sais pas où on va, mais oui. C'est parti. Nous sommes actuellement aux commandes d'un scarabée de l'espace fonçant sur une ligne droite que nous ne quitterons jamais et nous amenant directement vers là où le temps s'arrête. Je parle bien sûr de Thumper, un jeu de rythme et violence développé par le studio indépendant Drool. J'arrive pas à dépasser la cinquième. Ah si. Bon, eh bien, on emmerde le scarabée de l'espace. Et on se remet en route autrement. Ce qui m'a toujours fait marrer dans les jeux vidéo, Antoine, c'est un peu cette idée de la quête. Avec ces musiques à la con du genre... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça me dit vraiment quelque chose. C'est débile. Personne de nos jours se dit qu'il est en quête, tu vois. Au mieux, on a un projet qu'on peut finir, mais une quête, c'est... C'est le sens de toute une vie, tu vois. Il y a un jeu qui me terrifie là-dessus, c'est Off, The Unproductive Fun Time. Dans Off, on suit un gars qui s'appelle le batteur, et son seul but, c'est de purifier le monde. Il a même l'air complètement con pour les autres PNJ, car c'est le seul qui parle comme ça. Comme le ferait un héros de jeu vidéo, quoi. Mais le monde dans lequel est le batteur, c'est 4 zones perdues dans le rien du tout infini d'un arrière-plan noir. Et dans chaque zone, le batteur il bute des spectres qu'il purifie. Donc super, le héros fait partir les fantômes qui s'en prennent aux vivants, génial. Mais déjà rien ne va dans le monde de Off. L'eau et les océans c'est du plastique. Les gens respirent grâce à de la fumée. Et le métal et la viande sont ceux qui font tenir les zones en place. D'ailleurs il coupe des vaches à un moment je crois, non? Il les coupe? Mais dans le sens de la hauteur. Dans la zone 1 d'ailleurs, on voit les ouvriers vider les vaches, car la viande directement des vaches ne leur sert pas. Ce qui intéresse, c'est les métaux qui poussent à l'intérieur de leur carcasse. La viande, elle, est distribuée comme l'eau pourrait l'être. Et encore une fois, il n'y a pas d'eau. Je me rappelle une scène dans la zone 3 où il y a un des PNJ qui est allongé et qui regarde le vaste au-delà de l'océan et il dit Le plastique est beau aujourd'hui. Et tout ça, c'est dans la musique composée par Alias Conrad Coldwood. Il y a quelque chose d'assez éthéré dans cette musique, mais elle se distingue pas que sur cette espèce d'ambiance. Il y a plein de différents genres, on pourrait dire, mais qui sont passés à la moulinette de cette bizarrerie ambiante. La musique des combats, par exemple, c'est une espèce de... De rumba. Une sorte de caravan palace qui fait tourner en bourrique très très vite. Le combat devient comme une danse et à la manière d'un Final Fantasy VII, les barres d'action se remplissent pour nos personnages au fur et à mesure, mais dans l'attente toujours de l'action des ennemis qui peut arriver à n'importe quel moment et qui arrive souvent très fort. Une tension qui est permanente. Tu sais ce que je déteste dans Off, Antoine? C'est que quand tu es gardien d'une des zones, en gros les boss quoi, on peut ensuite revenir dans les zones qu'on a purifiées. Mais maintenant, toutes les couleurs sont parties. Tout est devenu blanc. Et toutes les personnes qui vivaient dans les zones ont disparu. Et il reste juste des espèces de créatures horribles et gigantesques qui ressemblent à des bébés défigurés. Et dans tout ça, le batteur est encore et toujours seul, le seul avec une quête. Et les alliés, ses énergies sont là pour le suivre, où qu'il aille. Et en purifiant le monde, il fait disparaître tout ce que j'avais aimé dans ces zones. Leur musique. Et moi, je suis obligé de voir ça. Tout ce qui reste quand on revient dans ces mondes blancs, c'est une seule musique. Sur une bande-son de plus de 40 morceaux. Et la question de « Est-ce que le batteur fait la bonne chose ?» ne se pose pas. Faut qu'il le fasse. Sinon, comme je l'ai dit, il n'y aura pas l'autre musique, vu qu'on n'avance pas dans le jeu. Mais si c'est pour que tout finisse par celle-là, celle qu'on écoute en ce moment... Je ne sais pas si je veux continuer. On est loin, Antoine ? Il faut qu'on continue. Antoine. Antoine. Lève-toi, espèce de pauvre con, qu'on continue la route. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fous ? Il y a un sentier, autant le suivre. Pas forcément la route la plus intéressante. Bah marcher crève, c'est la forêt à côté de chez moi, je la connais mieux que toi. C'est ces connards de F-16. Y a pas de F-16 dans la forêt près de chez moi. Ah, tu vois. Si on se prend une bastos dans les miches, reconnais au moins que ce sera de ta faute. Tu connais de PAF ? Encore un jeu vidéo avec des gros flingues ? Pas tout à fait, non. Sorti en 2009 sur PC. Bon, d'accord, je me calme. Dis-moi en plus. Sorti par Tale of Tales, le studio belge. Tu sais, ils font des trucs perchés, eux, Je vois toujours pas. Avec les petits chaperons rouges. Les petits chaperons rouges. Il y en a plusieurs maintenant. Bah ouais. Et donc tous les petits chaperons rouges doivent aller chez mamie. Hein. Bah non, justement. Le jeu, il te laisse le choix. Mais arrivé à la maison de la grand-mère direct, bah il se passe rien. Par contre, quand tu marches le long du chemin, t'as le hors-champ et tout ce qui t'entoure qui t'attire, en gros. Et à force de marcher d'un pas super lent sur le sentier, tu finis par aller voir. Tu finis par sortir du chantier ? Et qu'est-ce qu'il y a là-bas quand on sort du chantier ? Du chantier ? Le sentier, Antoine. C'est la même chose. Et du coup, quand tu sors du sentier, il ne se passe pas forcément grand-chose. Tu trouves des objets qui en disent un peu plus sur le lore. Tu tombes sur des lieux étranges. Il y a une gamine en blanc que tu peux croiser, puis elle te ramène sur le chemin. Il y a une gamine, mais il n'y a pas de loup. Ah si. Il y en a une pour chacune des filles. Et quand elle te ramène sur le sentier, il n'y a rien à y voir, donc tu retournes te perdre, et vu que la carte indique seulement où t'es allé, bah tu explores et tu te perds toujours un peu plus. Et pour le loup, bah les loups, c'est comme si l'intérêt il se trouvait seulement dans la mise en danger consciente du joueur. Et contrairement au solo de Battlefield 3, où le danger il est prévu et à la seconde près par le script, t'as une certaine latence qui t'est autorisée dans l'écriture du chapitre qui est associé à la sœur que t'as choisie. Donc c'est quand même une liberté, quoi. Mais c'est pas une liberté incroyable au final. Bah, car a priori, sortir du chemin va nous amener vers le loup. Ouais, tu peux te perdre, mais ça met du temps avant de trouver le loup. Ça empêche pas les personnages d'échapper à ton contrôle pendant les interactions, et notamment avec les loups. Et ces interactions d'ailleurs, elles finissent toujours mal. Et malgré le fait qu'elles finissent mal, tu reviens toujours sur le chemin. Un petit peu histoire que tu rentres raconter ton histoire. Et pour accompagner la rencontre avec les loups, il y a un thème différent à chaque fois. La bande son, elle est composée par un duo de musiciennes que moi je connaissais pas, Jarbo. Oui, je connais Jarbo. C'est une géniale musicienne qui avait cofondé le groupe Swans avec Michael Guerra. Et un ami à moi a dit que ces deux musiciens-là, si jamais on les écoutait, quelque chose de mal allait nous arriver. Mais en tout cas, Jarbo, s'il y a une chose qui est magique avec elle, c'est qu'elle va jusqu'au fond de ce détail de sa voix. Le début de sa carrière, elle cherche plus à créer des émotions absolument terrifiantes. Et par la suite, quand elle a voulu créer des émotions positives ou belles, c'était jamais une beauté qui venait juste de sa voix ou de sa qualité en tant que chanteuse. Mais c'était toujours en creusant dans les mots qu'elle pouvait dire, dans les hésitations, tous les arrêts que sa voix et les détails de sa voix pouvaient prononcer. Tous les tréfonds, les recoins de sa voix, ouais. L'autre compositrice, c'est Chris Force, qui est aussi performeuse et artiste. Et leur compo sur The Path, elle est tarée. Elle est en osmose totale avec l'ambiance pouilleuse, la vision un petit peu désuète des contes, et en même temps en marge de tout. Et la marge, c'est l'endroit qui recèle tout ce qui est particulier et mémorable. Pour ceux qui y vont, en tout cas. Et qui en reviennent. Les autres, ils écoutent leurs histoires. Je crois qu'on a quitté le chemin, Antoine. C'est pas très grave. Thank you. Thank you. On est à la fin du chemin. Bah, il me semble, ouais. Bon, bah, faut s'y mettre. Allez. Oh, t'as vu la taille de la lame? C'est une dent, non? C'est quoi ce machin? Non, des plans, des jumelles. Un entrepôt de grand-père. J'aurais dit survivaliste, mais ouais. Eh ? Ouais, ouais. Attends. Ouais. Ok. Fais attention à tes doigts, Antoine. Ouais. Un, deux, un. J'y vais pour mieux. Comme pas possible. Ah là là, il y a des araignées mortes partout, c'est dégueulasse. Antoine, T'es où? Je descends. Yuck. Ah, t'es là. Ah, du coup, on n'entend plus le vent. Tu vois quelque chose? Je vois un truc qui luit là-bas, je crois. Ah ouais. Polybius. Tu crois que ça marche encore, cette vieille borne d'arcade? Bah faut voir. Y'a pas une prise. Bon, y'a pas besoin. Ça marche aux pièces, ces trucs-là. T'en as une? Bon. T'es avec ça? Merci.